Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Les Oreilles du Monde du jeudi 14 mars. Aujourd'hui nous sommes en direct de Radio Gemozo et on est en compagnie de Nanou et Camille. Salut les filles. Salut. Bien, bonjour. Donc aujourd'hui on nous voilà repartis pour une nouvelle émission en direct de Radio Gemozo. Donc je vais vous présenter un peu l'émission, comment ça va se dérouler, puis ensuite on va enchaîner directement. Donc aujourd'hui 14 mars, on vous présente le débrief. Nanou va vous présenter le débrief du 23 février. Le 23 février, le concert d'hiver, le dernier événement de l'association Les Monts de l'Utopie à Rochesson. Donc voilà, on reviendra sur cette super réussite du 23 février par Nanou. Ensuite nous parlerons de Cultivons nos passions. Cultivons nos passions, c'est le prochain événement de l'association qui se déroulera le 26 mai à Rochesson. Et qu'est-ce que c'est Cultivons nos passions? Camille nous en parlera. Puis viendra la nouveauté. La nouveauté, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une nouvelle chronique qui aura lieu tout au long de l'année dans cette émission avec... je vais pas vous dire tout de suite qu'est-ce que c'est. Donc voilà, on pourra... on va en parler, puis aujourd'hui aura lieu la première chronique de notre émission Les Oreilles du Monde autour de... à découvrir. Pour fleurir tout ça, et ben on va vous proposer quelques sonorités venues d'ailleurs. Donc les filles, vous allez bien aujourd'hui par ce temps grisailleux? Bah mieux que le temps, hein. Ouais, ça roule, c'est la forme. Bon bah super, du coup on va commencer par le débrief de Nanou. Parti. Alors c'est parti. Donc ce 23 février, nous avons organisé notre concert d'hiver annuel, spécial chanson française avec, je le répète, les Gueules d'Aminche, Jack Simard et Piquons mon amour. Et ce fut un véritable succès et un véritable bonheur d'organiser et de festoyer avec toutes les personnes présentes. Nous avons eu 360 entrées, nous étions pratiquement complets déjà en pré-vente. C'était super et la joie était vraiment au rendez-vous et c'est notre but, de rendre heureux tout le monde et avec les dires, enfin, tout le monde a adoré cette soirée, tout le monde était dans la joie et c'était un vrai bonheur pour nous. Donc, comme d'habitude, nous avons eu un public transgénérationnel. Des enfants jusqu'à 80 ans quand même. Ou même plus, je dirais, moi. On avait organisé un petit espace repas avec des places assises, un coin canapé, une zone extérieure agréable pour ceux qui fument. Donc tout le monde était content, tout le monde s'y retrouvait. Et pour la première fois, eh ben, on a pas mal de petits sous dans la cagnotte, ce qui va nous permettre de vous faire plaisir et de pouvoir un peu investir dans du matériel pour l'association. Et nous sommes très très contents. Ouais, on peut dire que c'était vraiment une belle réussite, bonne ambiance, bonne vibes. On avait un petit peu peur d'être trop nombreux dans la salle, finalement ça passait tout bien. Que des bons retours. Et j'aimerais donc dire des merci, moi, avec Flo et Camille je pense, et avec tous les membres des Monts de l'Utopie. D'abord un grand merci à la commune de Rochesson pour sa confiance et son soutien. Parce que sans eux, faudrait qu'on dépense de l'argent pour louer une salle et tout, enfin, ou même plus d'argent. Donc on les remercie beaucoup. Un spécial big up au public pour sa bonne vibe, sa bienveillance et sa propreté, entre guillemets. Parce que on n'a pas trouvé beaucoup de mégots de cigarettes, c'était propre. Ni de canettes ou de choses comme ça sur les parkings. Et ça, c'est super. Et ce qui était chouette aussi, c'est que la vaisselle autogérée a pas mal fonctionné. Et ça, c'est big up. Parce que ça fait moins de boulot aussi. Et ça, c'est big up. Donc, un grand merci au public. Merci aussi aux bénévoles et aux adhérents pour leur aide et leur sourire. En particulier à Aziz, Julien et Anne-Marie qui ont envoyé toute la journée pour faire les fameuses galettes bretonnes. C'est un super boulot, donc je voulais leur faire aussi un petit big up. Heureusement qu'ils étaient là. Et pour finir, un merci aux artistes pour leur présence et leur accessibilité. Voilà, et des gros bisous à tous. Ouais, moi je voulais rajouter un petit truc, merci à l'ouverture des gens de Rochesson qui sont hyper ouverts à ça, puis qui ont quand même... faut le rappeler, la plupart des réservations, il y a eu beaucoup de monde de Rochesson qui sont venus avec des amis d'extérieur. Donc merci aux habitants de Rochesson qui laissent l'ouverture à notre projet de se créer et d'avancer ensemble. Oui, big up aussi au Rochna. Au Rochna et au Rochnat. Voilà, au Rochna et au Rochnat. Et qui ont joué le jeu, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens du coin et ça fait toujours plaisir à voir. Et puis encore un énorme big up à tous nos bénévoles puisqu'on était une quinzaine sur le montage pendant 2 jours, on était une trentaine sur la soirée et de nouveau une quinzaine le dimanche pour remballer. Donc vraiment, merci à tout le monde. Les petites mains qui ont aidé à faire les drapeaux, à faire les décos. Le super rue, enfin le brico, non pas le brico, pardon. La coopérative. La coopérative Lutile aussi, qui nous soutiennent également. Et puis voilà, après, oui, notre ingé son aussi, qui a fait un bon boulot. Voilà, enfin, l'Arsen Production. Ah, voilà. Grosso modo, on remercie tout le monde. Quoi. Ouais, un grand merci à tous. C'est vraiment une symbiose associative. C'était chouette. C'était waouh. Bon, t'en as fini pour aujourd'hui alors ? Eh ben, je voulais rajouter qu'au plaisir de vous accueillir pour notre événement du 26 mai, dont on va parler... Ensemble, Camille va d'abord nous en parler, puis après on va se partager la tâche. Voilà. Alors donc moi je vais vous présenter le prochain événement des Mondes de l'Utopie, donc qui aura lieu à Rochesson, hein, comme d'habitude, on ne change pas les bonnes habitudes. Donc ça aura lieu sur la place du village, donc la place Marcel Perrin, bah, c'est juste à côté de la salle hein, de toute façon, pour ceux qui sont déjà venus à nos événements. Et donc c'est un dimanche, donc 26 mai. Donc ça aura lieu de 10h du matin à environ 8h, je crois on avait dit, quelque chose comme ça, 18h, 8h. 18h, ouais. 18h, ouais. Oui, 10. 10. Depuis 10h du matin, ouais. Oui. 10h, 18h. 10h, 18h. Ouais, je pense que pas trop mal. Bon, j'ai dit 20h parce que ça nous laisse 2h de battement, voilà. Hein. Donc qu'est-ce qu'on va y trouver à cet événement ? Donc on va y trouver un troc de plantes. Donc il y aura plusieurs personnes qui viendront avec leurs petits semis, avec leurs plants, voilà, pour échanger, peut-être à vendre aussi. Enfin voilà, chacun après fait sa petite popote comme il veut. On aura aussi un marché de producteurs, d'artisans, d'assos, en général pour les trois quarts locales, enfin même plus que les trois quarts d'ailleurs. Donc ça après je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Plus tard, on aura un espace pour se restaurer, donc il y a un menu qui sera à découvrir bientôt. Je pense d'ici quelques semaines, on aura le menu, hein, donc ça sera sur réservation également. Enfin, c'est toujours mieux pour être sûr d'avoir suffisamment à manger. On aura également donc une buvette avec, comme d'habitude, bah, des boissons sans alcool pour la plupart fait maison. Donc pour ceux qui viennent souvent à nos événements, ils sont habitués au bissap, à la ginger beer, à ce bière genre de gingembre. Ouais, voilà. Et donc, bah, toujours des bières locales, donc la Golaï et puis peut-être d'autres. On va voir si, comme là, au concert d'hiver, on invite encore une autre brasserie ou pas, à voir, à définir. Et donc, toujours bah, du bon vin et puis bah, peut-être, pourquoi pas, un cocktail. Je ne sais pas, on n'a pas encore tout bien réfléchi à comment, comment on allait organiser tout ça, parce que là, c'est le début. On aura aussi donc un espace jeu pour les petits et les grands. Donc en extérieur, hein, comme à la fête de la musique l'année dernière, pour ceux qui étaient là, bah, on avait un espace où il y avait plein de petits jeux pour amuser tout le monde. On va sûrement mettre en place une petite tombola, ça c'est à voir. Et donc bah, c'est déjà pas mal, hein, on aura tout ça dans la journée. Et puis donc niveau des artisans, donc, on a deux sûrs pour l'instant, parce que j'ai commencé les démarchages, donc voilà, j'ai eu quelques réponses déjà. Il y en aura d'autres, évidemment. Donc, il y aura quelqu'un qui fait du feutre, qui s'appelle Danse avec les moutons. Donc, elle vient du Jura. Bon, c'est ma cousine, voilà. Donc, elle est moins locale que les autres, mais c'est ma cousine, puis elle fait des belles choses, voilà. Hein. Ensuite, on a... alors, bon, ils n'ont pas vraiment de nom, on va dire les minets, hein, qui nous font du travail du bois, hein, donc... Ils ont des jolies assiettes, des mortiers... Bois. Comment ? Tournage sur bois. Tournage sur bois, oui. Des mortiers, des pilons, des bols. Enfin voilà, tout un tas de choses. Et qui viennent de Gérardmer. Voilà. Encore plus local, pour le coup. Ensuite, de sûr, on a des savons. Arborea, ils seront là. Ils sont du coin aussi. Ils sont de Saint-Amé. Hein, donc, eux, ils proposent des savons. Donc, moi, je serai probablement là aussi avec la maroquinerie et des bijoux. Et ensuite, avec l'entreprise, on aura... les oreilles du... les yeux grands ouverts. Oui, les yeux grands ouverts, c'est ça. Et Laureline, alors, elle m'a dit comment ça s'appelait. Je ne l'ai pas noté. Quelque chose sauvage. Donc elle vient avec une amie et elles font de la reliure. Donc on aura déjà ces personnes-là en artisan. En troc de plantes, donc on a des voisins, la mère d'une copine, enfin voilà, des gens de par-ci par-là qui viendront avec leurs plants, leurs petites. Ah, il y a aussi la ferme des Haltel qui vont proposer un stand de plants de. Bah eux, ils seront pas là, donc en fait ils vont. Antoine qui récupérera les plants pour faire un stand de plants de la ferme aux herbes de Sapois. Voilà, oui, c'est parce que malheureusement ils pourront pas être là pour tout ce qui est tisane tout ça, mais plantes aromatiques et médicinales. C'est tout à fait ça. Et ensuite en producteur, donc on aura donc Thierry et Nadia de la ferme au bison qui seront là donc pour nous proposer de la viande de bison évidemment. Et j'ai cru comprendre qu'ils fabriquaient aussi du savon maintenant, donc j'ai un peu hâte de découvrir ce que ça donne. Savon au lait de bison ? À la graisse, je crois plutôt. Ok. Enfin, information à reconfirmer. Hein, je suis pas trop sûre de ce que je dis. Ensuite, on aura du miel, donc c'est un ami, monsieur Georges Spreder, n'est-ce pas, qui nous vendra son bon miel. On aura également la ferme aux chouettes qui nous vient de. C'est comment le nom du village où ils habitent ? La ferme de la chouette qui nous vient de Certigny. Ah ouais, c'est un petit lieu dit à côté, mais oui, c'est Certigny. Donc Tiff et Natoun seront là aussi pour nous proposer des légumes et aussi peut-être quelques plants, voilà, à voir. Donc pour l'instant c'est tout ce qu'on a, mais ça va arriver en plus, il faut que je continue les démarchages. Donc on va essayer d'avoir un petit peu tout en artisanat, hein, d'avoir un panel assez large, et pour ce qui est des producteurs aussi, quoi, ne pas avoir de doublons et puis d'avoir... pouvoir proposer aux gens du coin du local, quoi, dans l'idée. Et puis voilà, moi je suis... Ah oui, voilà, je fais un appel d'ailleurs. Si jamais vous êtes artisan, producteur, une association aussi... Ah bah tiens, j'ai oublié les associations. Stand de militants associatifs. Voilà, il y aura la petite Utopie qui seront là déjà de sûr pour nous proposer aussi maquillage, enfin tout un tas de choses rigolotes. Et donc, si vous faites partie de cette catégorie de personnes, que vous êtes dans le local et que vous pensez être dans la même démarche que l'association, n'hésitez pas à prendre contact avec nous sur Facebook, sur l'adresse mail ou sur téléphone. Hein, donc, les numéros de téléphone traînent un peu sur Internet aussi. Et donc, voilà, parce que comme on ne connaît pas forcément tout le monde, faites-vous connaître. Donc c'est tout bon. Moi, j'ai présenté le cultivant de nos passions. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter peut-être ? Oui, on a quelque chose à ajouter. On va rajouter le concert et la conférence gesticulée. Puis Nanou va nous parler du concert et de l'artiste, des artistes qu'on accueille en concert ce 26 mai. Du coup, je tenais à rappeler, l'idée, c'est quand même que l'événement est gratuit, ouvert à tous. Et cet événement, on va proposer une formule qu'on a déjà proposée en soirée, mais cette fois qu'on va proposer en journée. Et du coup, ça sera le dimanche midi, on va proposer un repas, donc entrée, plat, dessert. C'est ce qui va nous rapporter un petit peu d'argent pour l'association pour rembourser cet événement, puisqu'il n'y aura pas d'entrée. Et du coup, le repas, le prix n'est pas encore fixé, mais les tarifs arriveront bientôt. Et on ouvrira aussi les réservations pour ce repas bientôt. On vous proposera un concert et une conférence gesticulée, et Nanou va nous parler du concert. Alors ce concert qui se voudra familial, parce qu'il aura lieu l'après-midi, donc Bal Pygmée nous viennent de Strasbourg, et depuis maintenant 15 ans, ce quatuor écume les scènes du Grand Est. Donc c'est un univers bouillonnant, c'est un savoureux mélange entre trance du Maghreb, patois alsacien, comptines désenchantées et musette du pavé et engagée. Malika, au chant, nous envoûte de sa voix chaude et de son jeu de scène. Et les musiciens qui l'accompagnent sont tout aussi envoûtants qu'elle. À tour de rôle, leur univers musical nous berce, dénonce et revendique avec douceur et magie. Enfin, c'est un voyage qui aura lieu à Cultivons nos passions ce 26 mai. Ouais. Super. Je vous dis que ça. On a hâte de découvrir. C'est vrai que la prestation est toujours chouette à voir parce que c'est assez théâtralisé et ça vaut le coup. Et très dansant pour un dimanche après-midi. C'est vrai. C'est un vrai venez spectacle. Valser avec je nous. Je me souviens d'une valse mémorable au Festival des Caracoles oui. avec. Oui. C'est un vrai spectacle et vraiment, je pèse mes mots avec quand Magalica. Je dis magie. Mmh. Je pèse mes mots quand j'emploie l'adjectif envoûtant. Enfin, c'est vraiment les termes. Je pense que c'est les termes adéquats et je pense que Flo et Camille sont d'accord avec moi. Quoi. Tout à fait. C'est envoûtant et magique. Pour ce style assez particulier de chanson franco-arabo-alsacien. C'est une Qu'est-ce fusion. Que c'est dur à dire. On va y arriver. Ensuite, moi je vais vous parler de la conférence gesticulée présentée par Mimouche. Mimouche, peut-être certains le connaissent dans la région puisqu'il a fait plusieurs spectacles à Tatou la Vida à Raon-Bois. Et d'ailleurs, big up à Tatou la Vida qu'on aime plutôt bien au niveau de l'organisation, tout ça. Et du coup, Mimouche, je l'avais déjà invité à la programmation au Domaine des Planètes quand je faisais la programmation là-bas. Et du coup, il était venu faire de la déambulation sur le vide-grenier. Donc là, il nous vient pour une toute nouvelle formule. Et il nous vient pour une conférence gesticulée. La rénovation thermique, c'est chaud. Rire et déboire d'un projet global et collectif. Donc, qu'est-ce que c'est cette conférence ? Cette conférence, elle mêle des informations et retours d'expérience lors d'un spectacle vivant conduit par cet artiste Mimouche et ayant lui-même participé à des opérations de rénovation. C'est un spectacle participatif qui alterne les anecdotes sur les embûches de la rénovation avec les joies de ses réalisations et amène le public à s'interroger sur les pratiques proposées aujourd'hui dans notre monde actuel. Alors, est-ce qu'on continue à polluer la planète et à utiliser de la laine de verre et du placo partout, ou est-ce qu'on se met un peu dans l'écologie ? Tout en mettant l'accent sur le bien fondé de ces opérations, en particulier collectives, puisque c'est mieux de créer collectif plutôt que tout seul, l'ensemble se déroulera dans des grands moments de rire qui sentent profondément le vécu. Donc voilà, cette conférence est à découvrir à Rochesson le 26 mai. Ça donne envie. Ouais. En plus, avec Mimouche et son expérience personnelle, il a 10 ans maintenant, même un peu plus d'expérience dans la rénovation et dans l'écologie, ça va être vraiment génial parce que c'est un personnage aussi, celui-ci. Et dans le spectacle aussi, à rappeler, qui propose plusieurs spectacles. Ouais. Donc je pense qu'une conférence gesticulée de Mimouche de Saint-Dié, enfin des environs de Saint-Dié, voilà, oui. Ça vaut le coup d'œil. Il fait partie de la compagnie des Trois Trésors. Les Trois Trésors, une compagnie qui vient de naître du côté de Saint-Dié. Et la compagnie des Trois Trésors, c'est Mimouche et Giraffe pour l'instant. Donc deux amis de longue date qui ont créé la compagnie et qui vont, vous allez le découvrir, faire naître un projet magique dans le Grand Est. Donc pour continuer sur le 26 mai, on va écouter ensemble un extrait de Bal Pygmée qui s'appelle DB Génie. Donc voilà, on écoute ensemble DB Génie. Thank you. il est la cantouche. Il est la cantouche. Il est la cantouche hangini. Halem shangang. Que veux-tu que j'y fasse? Vance. Le temps passe. Allez, viens. Allez, viens tout contre moi, allez, viens, valse, le temps passe, allez, allez, ouais, allez, allez, viens, allez, viens tout contre moi, allez, viens, valse, le temps passe, allez, allez, ouais, allez, viens, allez, viens tout contre moi, allez, viens, valse, le temps passe, allez, allez, ouais. C'était DPGNI en direct de Radio Gémozo dans l'émission Les Oreilles du Monde. Un son proposé par Belle Pygmée, groupe que l'on accueillera le 26 mai prochain pour notre événement Cultivons nos passions à Rochesson. Donc voilà, Belle Pygmée à découvrir vraiment. Donc j'espère que ça vous a fait valser dans votre voiture, chez vous, dans votre salon. Pour continuer, on va écouter Tanz de Hop La Hop et on part du côté de l'Alsace avec Belle Pygmée. Der Kopf mit Bigoudin, Arsch, Backe, La Backe, Sophanie, Fies wie Frotzon, Jeremy. Oh, der Kopf mit Tomatensauce, bald Pygmäe kommt, jetzt geht's los. Wie Arsch, Lorin, der Schnee, wie Napoleon in die Elysée. Komm, sind schwarze Zebra marsch, an jen Töpfen, an jen den Arsch. In den Arsch, so dreht ihn auch Arsch. Und Tanz, Tanz, der Hula Ho, Tanz, Tanz, der Hula Ho. Ja, Mama. Tanz, Tanz, der Hula Ho. Das ist der Franz von Sand. Joli, joli, joli, joli, yeah. Ein langer Schwanz, der fährt wie der Tarzan. Das ist der Franz, der brillt wie ein Geist. Er hat ein ganz und dämmt Edelweiß. Ich bin der Frank, ich bin nicht Präsident. Joli, joli, joli, joli, yeah. Und Malika, die heißt Monika. Antoine, la cuisine et le charme. La cuisine et le charme. Et du Kopf et mit dem Ball Pygmäe. So trait in der Arsch. Und dans, dans, der Hula Ho. Dans, dans, der Hopla Ho. Ja, Papa. Dans, dans, der Hula Ho. Dans, dans, der Hopla Ho. Durch den Kopf mit dem Extrawurst, die verschwanz und schnäck wie rutscht. Hasch macht topisch, Gras macht Spaß, Bier, Wein und Schnaps gibt uns Gas. Durch den Kopf mit dem Teufelssauce, bald ich mehr kommt, jetzt geht's los. Wie auch schlau in der Schnee, wie Napoleon in die Elysée. Ganz in schwarz, es ist braun, marsch und ein in den Pfau. In den Nord, in den Nord. Dance, dance, der Hula Ho, dance, dance, der Hopla Ho. Ja, Mama. Dance, dance, der Hula Ho, dance, dance, der Hopla Ho. Die Malika, die heißt Monika. Die Monika, die heißt Malika. Die Malika, die heißt Malika. Die Monika, die heißt Monika. So dreht die nach verdammter Arsch und dans, dans, der Hula Ho. Dans, dans, der Hopla Ho. Ja, Papa. Dans, dans, der Hula Ho. Dans, dans, der Hopla Ho. Et voilà pour la musique de Belle Pygmée. un bel avant-goût. C'est ça. Alors. Alors, on va continuer tout de suite sur la nouvelle chronique. La nouvelle chronique, qu'est-ce que c'est la nouvelle chronique? Alors, on a longtemps réfléchi et puis on s'est dit comment on va combler nos émissions. Non, c'est pas vrai. Nanou a proposé un super sujet et on l'a gardé. Et du coup, le sujet, qu'est-ce que c'est? Et c'est bien les trans du monde. Les trans du monde, qu'est-ce que c'est les trans du monde? Alors du coup... cette chronique, c'est une invitation à la découverte des cultures du monde. Une chronique dédiée à la trans. La trans est universelle, mais bien différente géographiquement. Elle traverse toutes les époques et s'est adaptée par tous les temps. Camille vous en parlera plus en profondeur de qu'est-ce qu'est la trans. C'est un nouveau format avec un thème bien précis qui vous fera voyager, alternant avec la promotion de nos événements. Donc, j'ai fait un petit calcul hier soir. Si on fait les 5 continents... 5 ou 6 ? 5, il y a 5 continents. 5 continents. Si on fait les 5. Si on considère que celui qui est plein de déchets, c'est un continent. C'est mais je ne suis pas sûr qu'il y ait de trans là-bas. Il y en a 6e maintenant. Il y a peut-être des trans de plastique. Voilà. Voilà, on peut peut-être trouver quelque chose là-dessus. On peut peut-être aller faire des enregistrements musicaux sur le nouveau continent de plastique et déclarer une nouvelle trans, la trans plastique. Ouais. Bon, allez, on part trop loin. Revenons à nos moutons. Donc, c'est un nouveau format avec un thème bien précis, je vous le disais, qui vous fera voyager. Et du coup, ce format chronique, on va le présenter quand nous présenterons pas d'événements. Donc, du coup, une fois sur deux à peu près. Et du coup, on va faire 5 émissions autour des trans du monde, 5 continents, 5 émissions. Donc, voilà, Camille va nous dire qu'est-ce que la trans. En musique. Je vais faire la définition. Hein, donc la trans, pour résumer déjà, c'est un état second. Donc l'étymologie nous vient du Moyen-Âge avec le verbe transir, qui veut dire partir, s'écouler, passer. Plus précisément du latin transir, bon c'est pareil avec un E, juste. À partir du 5e siècle, il prend le sens de passer de la vie à trépas. Donc c'est aussi une définition un peu différente de ce qu'on peut avoir actuellement. D'ailleurs, l'expression « entrer en transe », elle apparaît qu'au XIVe siècle. Mais voilà, les états de transe, c'est connu depuis la nuit des temps, quoi, hein, sous différentes formes. Chaque peuple avait ses rituels propres à lui. Hein, donc, c'est juste le mot en lui-même qui a pris un sens, celui qu'on lui connaît aujourd'hui, à partir du XIVe siècle. Quoi. L'état de transe, ça désigne un état où on sort de soi-même. Donc c'est sortir de soi-même, c'est hors du monde réel. Ça peut amener à communiquer avec des esprits, parfois même avec des soubresauts. Par exemple, il y a tout un contexte spirituel dans l'état de transe. Il y a énormément de manifestations différentes, autant qu'il y a de gens et de cultures, de traditions différentes dans ce monde. Donc étant donné que tout le monde est unique, chacun expérimente la transe de manière forcément très différente. Donc il existe plusieurs moyens pour y parvenir, donc selon les rituels. Quoi, hein, donc on peut y parvenir grâce à la danse, à la musique, au chant, des mouvements de cou, le jeûne aussi, la consommation de psychoactifs, l'accélération de la respiration. Mais j'arrive plus à me relire. Oui, il y a évidemment beaucoup d'autres façons que j'imagine on ne doit pas forcément tous connaître. Et soit dit en passant, il n'est pas conseillé de pratiquer ce genre de rituel comme ça tout seul chez soi. Hein, c'est à faire avec quelqu'un d'expérimenté. Voilà, si vous avez vraiment envie d'essayer ça, quoi. Donc c'est souvent lié au chamanisme, hein, qui est donc une pratique centré sur la médiation entre le visible et l'invisible. Après, j'ai fait visible-invisible pour rester global, parce que le chamanisme, c'est très complexe et très complet. C'est lié aussi à des sortes d'hypnose, à des sortes de possession aussi, puisqu'il y a certaines trans dans certaines régions du monde où c'est vraiment très possession. Hein, donc c'est un thème. Je pense que Nanou, elle va nous en parler avec... peut-être. Non, pas tout à fait. Okay. Je suis restée globale aussi. Oui, voilà. On ne va pas effrayer les gens qui nous écoutent. Voilà. Oui, surtout qu'on va parler surtout de trans musicale et oui. On ne va pas parler de trans spirituelle, ouais, religieuse. C'est et souvent tout ça. Quand même assez lié. Oui, hein, oui. Puisque... oui. Dans le vaudou, les adeptes qui rentrent en trans grâce à la musique sont possédés par l'ancêtre. Donc c'est lié quand même. Donc oui, là nous, on fait une émission spéciale donc pour les trans musicales. Après, voilà, oui, c'est un sujet assez vaste. Donc voilà, moi j'ai fini ma petite définition assez rapide, puisqu'on a aussi des musiques qui vont durer forcément très longtemps. J'ai fait un peu court, voilà. Donc, Nanou, elle va nous parler... Ah pardon, vas-y. Ah non, pas de souci. Je voulais dire qu'aujourd'hui, on est sur un thème, on est sur le continent africain aujourd'hui, pour vous. Et du coup, on va vous parler des trans d'Afrique. Et du coup, Nanou, tu veux enchaîner sur les trans en Afrique ? Eh ben oui, écoutez, je vais enchaîner. Je voulais d'abord dire que ta définition, Camille, moi je la trouve super. Merci Nanou, voilà, ça me fait plaisir. Elle est bien complète. Donc ben, je me suis un petit peu renseignée sur les trans musicales africaines. Et il y a plus de 1000 ethnies en Afrique, donc autant de rituels et autant de trans. Et il en va de soi que je n'ai pas pu toutes les énumérer. Oh. Donc je vais rester assez globale et je vais prendre des petits exemples en commençant par l'Afrique de l'Est. Donc par l'Afrique de l'Est, j'ai rencontré le Maloya, qui vient de La Réunion, qui est un rituel funéraire à l'origine des esclaves malgaches célébrant leurs ancêtres et qui vont jusqu'à la transe. Le Maloya, qui moi me prend personnellement très profondément, est reconnu depuis 2009 au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. D'ailleurs, on avait fait une émission spéciale Maloya dans une des premières émissions qu'on avait faites d'ailleurs, je crois. Je vous invite vivement et je pourrais même mettre des petits liens de Maloya sur la page des Mondes de l'Utopie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, pourquoi pas, oui, oui. Au moins d'en mettre un. Oui, on pourrait aussi ressortir le podcast sur l'émission Maloya dans les commentaires, ouais, en dessous, ouais, là où on va sympa. Mettre le podcast de l'émission d'aujourd'hui. Ouais. Sur notre page Les Mondes de l'Utopie via Facebook. Toujours dans l'Est de l'Afrique, il y a aussi une transe à Madagascar avec le tzatik. Donc c'est exactement pareil qu'à La Réunion. Ce sont des rituels funéraires, encore une fois des esclaves, qui célébraient les morts jusqu'à la transe. Donc les instruments pour le Maloya et le Taptik, il y a le tambour. Il y a le tambour principalement. Après, il peut avoir un peu d'instruments à cordes, comme la sitar, essentiellement. Après, toujours à l'est, je suis allée faire un petit tour chez les Maasai. Donc ce sont des guerriers. Et chez les Maasai, il n'y a pas d'instruments. Ce sont des chants polyphoniques, principalement des femmes, donc qui chantent différentes mélodies en même temps ou en canon, et qui font en même temps des petits sauts sur eux-mêmes. C'est assez impressionnant parce que les Maasai sont des personnes très grandes et ils sautent très très légèrement. Et ce sont le bruit de leurs bijoux qui font les percussions. Ah, donc, oui, ça doit être intéressant à écouter ça. C'est super chouette et aussi visuellement, c'est très très chouette. Je pourrais mettre aussi un petit lien, pourquoi pas, sur la page des Mondes d'Utopie. Après, je suis allée au centre de l'Afrique, et là j'ai rencontré les ethnies pygmées. Donc les ethnies pygmées, ben, il y a beaucoup de chants polyphoniques aussi. Et ces chants se passent sans chef ni partition, donc en fait c'est une grande place à l'improvisation. Et la musique pygmée fait partie des secrets de la nature et de la médecine de l'âme, et c'est aussi grâce aux chants que les transmissions de savoir se font. Donc chez les pygmées, il y a des percussions, il y a de la flûte aussi, et des chants polyphoniques. D'accord. Voilà. Et maintenant, eh ben, on peut passer au Maghreb. Allons-y. Allons-y, voyageons au Maghreb. Allons-y. Donc au Maghreb, il y a une transe musicale thérapeutique qui est nommée le Gnawa. Gnawa. Gnawa, ben voilà, je me suis encore plantée. Non, c'était pas trop mal, c'était... Donc, le nom diffère selon les pays. Au Maroc, ça se nomme Gnawa. En Égypte, ça se nomme Zahar. En Algérie, ça se nomme Diwan. Et en Tunisie et en Libye, ça se nomme Stombali. Donc les Gnaoua sont des musiciens thérapeutes descendants d'esclaves subsahariens. Il faut savoir que la trance aussi, c'est reconnu par certains ethnomusicologues comme une musique de résistance. C'est ce qui a permis aux populations de survivre spirituellement aux conditions inhumaines de vie liées à l'esclavage. Et ça, c'est très très important de le dire. Et c'est aussi pour ça qu'en fait, ces trances ont persisté dans le temps. Parce que c'est de la survie. Non mais c'est vrai. Hein. Ouais, ouais, mais c'est très intéressant de nous. À ce que je me suis référencée, voilà, ce sont des musiques de résistance. Donc, le... Ce sont des musiques de résistance, et puis moi aussi je voulais rajouter que souvent les trans viennent de la traite, de la traite des Noirs depuis longtemps en fait, c'est souvent quelque chose de contestataire. Oui, c'est parce qu'en fait l'esclavage n'a pas commencé au XVIe siècle, l'esclavage a commencé bien avant avec les Slaves d'ailleurs, esclavage qui vient de Slave, donc il y a malheureux, enfin l'esclavage fait partie de l'humanité, hein, on peut dire ça, et donc la trans est une musique de résistance. Oui. Oui, et puis moi je voulais rajouter sur le gnawa, en fait j'ai lu pas mal de trucs sur le gnawa hier soir, et en fait le gnawa vient de la traite d'Orient. Exactement, et donc venant du berbère, qui signifie venant du pays des Noirs, gnawa, voilà, de la traite orientale. Ce sont des descendants d'esclaves subsahariens, comme je l'avais déjà dit. Donc ce rituel à gnawa, qui est un rituel thérapeutique, s'articule autour de maîtres musiciens, les malems, de joueurs d'instruments, de voyants et d'adeptes. Les adeptes entrent alors en transe, offrant guérison et divination. Les instruments principaux utilisés sont le gumbri. Donc, c'est le maître musicien. Gumbri. Oh là là, je suis désolée. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Donc, eh ben, c'est une sorte de guitare-tambour à trois cordes, à registre bas. Il y a aussi des sortes de petites castagnettes en fer qui sont liées par un lacet les et carquets. Qui se nomment les crotales. Crotales, oui. Et il y a deux autres tambours qui se nomment les zbel. Zbel, voilà. Je ne sais pas. Donc nous allons écouter deux extraits de gnawa, un traditionnel et un autre contemporain. Du malem, du maître musicien malem Rachid Hamzaouir, puis de sa fille qui a repris cette tradition thérapeutique. Voilà. Et si ça vous intéresse fortement, si vous êtes pris par cette musique, tous les ans, il y a un festival au Maroc, c'est le festival d'Essaouira. Essaouira, oui. Non, mais si, très bien. Camille, elle me reprend tout le temps. Bah, tu me regardes en cherchant. Donc, c'est un festival de musique du monde qui laisse une place centrale au rite gnawa. Voilà. Exact. Tu y es peut-être déjà allée, Camille ? Pas à ce festival, à Essaouira, oui. Voilà. Et il faut savoir que les puristes du gnawa ne sont pas très contents parce qu'ils disent que le gnawa se contemporise. Mais moi, je trouve que c'est bien parce que ben, voilà, ça permet l'évolution. Et pour faire un petit check à la programmation de cette année, eh ben, on aura la chance d'accueillir un musicien qui pratique le gnawa depuis longtemps. Ce 19 octobre cette année, il s'appelle Dendana, Nassim Dendan. Et du coup, il a créé à Paris, quand il est arrivé en France, un bar gnawa. Et où, pendant des années... nombreux groupes gnawa sont passés par là. Donc voilà, on écoute ensemble Maalem Rachid Hamzaoui avec le titre Loukel. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Thank you. C'était Malem Rachid Hamzaoui avec Loukel en direct de Radio Gamozo dans l'émission Les Oreilles du Monde et la nouvelle chronique Les Trans du Monde que l'on vous propose depuis aujourd'hui et pour quelques émissions. Donc voilà, Nanou nous a parlé du Gnawa, le Gnawa qui nous vient du Maghreb. Oui, qui nous vient du Maghreb. Et du coup, c'était quelque chose de plutôt traditionnel jusqu'à là. Et maintenant, on va vous proposer quelque chose qui ne se fait pas beaucoup. Une femme Gnawi qui interprète et qui chante et qui joue du gembri. À la base, rappelons-le, le Gnawa était complètement réservé aux hommes. Donc on écoute ensemble Asma Hazawi Mouzawi, la fille de Rachid. Thank you. C'était un petit exemple, deux petits exemples de musique gnawa, une ancestrale et l'autre contemporaine. Et sachez que sur la page des Mondes d'Utopie, je vous mettrai un autre groupe de gnawa blues. Donc c'est une fusion et c'est génial. Voilà pour le Maghreb. Passons maintenant à l'Afrique de l'Ouest et je vais vous parler du vaudou. Donc le vaudou est originaire de l'ancien royaume de Dahomey, qui est actuellement le Bénin. Donc c'est une véritable religion. La religion du vaudou, c'est un culte aux ancêtres ou aux divinités, selon les ethnies, qui sont toujours bienveillants et bienveillantes. C'est vrai qu'on a tendance à catégoriser le vaudou comme quelque chose de très négatif, de noir, alors que pas du tout. Ouais. En fait, c'est le christianisme. Hein, c'est le christianisme qui a catégorisé cette religion ancestrale comme noire et comme maléfique. Mais en fait, c'est que de la bienveillance, parce qu'il y a la divinité du bonheur, il y a la divinité du succès, il y a la divinité de la famille, il y a la divinité des récoltes, de la naissance et des funérailles, qui fait aussi partie de la vie. Donc, je le répète encore une fois, c'est un culte aux ancêtres et aux divinités bienveillantes. Donc, ces ancêtres et ces divinités sont sollicités par des offrandes pour rester en harmonie avec, lors de rituels, comme je viens de vous le dire, de naissance, de moisson, de funérailles. Les divinités diffèrent selon les tribus, parce qu'il y a pas mal d'ethnies en Afrique de l'Ouest aussi, donc selon l'endroit, les divinités se nomment d'un tel ou tel nom. Les instruments principaux pour l'art musical vaudou, donc ce sont les oganes, ce sont des petites clochettes de fer qui permettent de rentrer en contact avec les esprits. Il y a aussi des incantations, des petits hochets et trois tambours. Le tambour Nam-Nam, qui est un tambour soliste, et c'est ce tambour qui prend la direction de ce rituel. Et il y a deux autres tambours qui accompagnent le premier, le second et le boula. Je vous mettrai aussi un petit lien sur la page des Mondes de l'Utopie si vous voulez en savoir plus. Et donc il est important de noter que cet art musical s'est répandu en Haïti, à Cuba, au Brésil, aux États-Unis et en Europe. Encore une fois, parce que c'est une musique de résistance et que les esclaves l'ont amené avec eux pour leur survie spirituelle et culturelle. Donc là, je vous propose d'écouter un petit bijou que j'ai trouvé grâce à France Culture. Petit bijou qui a été enregistré en 1963. C'est une transe dahoméenne du Bénin pour la fin des récoltes. Voilà. Et bien, on écoute ça. Et là, on entend les petites cloches. Yeah. Voilà pour le petit support musical donc de Vaudou. C'est vrai que c'est assez léger hein, comme exactement, musique. Exactement, c'est bienveillant et on le sent. Mmh. Donc moi, je vais passer du coup au dernier extrait. Donc on part en Afrique du Sud et cette fois-ci pour quelque chose d'un peu plus moderne. Parce que là, on a écouté pas mal de traditionnels. Et donc moi, je vais vous parler d'un groupe en particulier qui a été quand même un peu un coup de cœur cette année. Enfin voilà. Pas cette année-là, du coup, l'année dernière, parce qu'on est que début 2019, mais... Donc, c'est un groupe qui s'appelle BCUC. Donc, ça veut dire Bantu Continua Ururu Conscientiousness. Alors, je ne sais pas exactement ce que veut dire Ururu. Ah, ben moi non plus. Ok. Ah, ok. Nanou levait la main, je me suis dit, ah, elle a quelque chose d'important à dire. Ok. Donc ce groupe-là, il nous vient d'Afrique du Sud, donc, et donc il réinvente la trance, hein, puisque c'est un groupe donc, qui nous vient de Soweto. Il y a donc 7 musiciens dans ce groupe, et donc c'est un mélange de genres à travers les âges, donc c'est un mélange de chants rituels, de chants de hôtes, de chants shébène, de chants d'église, de rap et de rock. Donc là, voilà, il y a un gros melting pot de beaucoup d'influences. Et donc, ce groupe-là, ils sont très attachés aux musiques rituelles, puisque la mère d'un des chanteurs est une guérisseuse, qui a un titre honorifique assez élevé, quoi. Et donc, ils le disent, eux, donc c'est musique par le peuple, pour le peuple, avec le peuple. Donc ça, c'est leur devise. Et donc, leur musique, ils appellent ça Africa Ngungungu. Apparemment, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire, mais je vous laisserai découvrir un peu. En tout cas, c'est de la musique qui a beaucoup de peps, beaucoup de bonnes vibes. Moi, je ne les ai pas encore vus en concert. Flo les a vus et ça met le smile jusque derrière les oreilles. Et donc, il y a beaucoup de percussions. Il y a du tambour de marche, des congas, de la batterie de basse et des chants différents. Et vous pourrez entendre, il y a des sonorités, des cris d'oiseaux. Enfin, c'est assez étendu comme source musicale. Et ouais, c'est un petit bijou, quoi. Il y a aussi un corps, un peu corps comme le corps des Alpes ou comme tous les corps comme ça. Sauf que c'est un corps d'Afrique du Sud. Et on a ce fameux vuvuzela qu'on retrouve aussi, qui est bien particulier de l'Afrique du Sud. Et puis moi, je voulais rajouter aussi que c'est pas mal tous les chants. C'est la plupart très contestataires. Oui, militants, ouais. Par rapport, on sait ce qui s'est passé en Afrique du Sud, et du coup, Mandela, tout ça, enfin, toute une histoire de l'Afrique du Sud que vous pouvez aller chercher, vous renseigner là-dessus, et que c'est très intéressant. Puis c'est des incantations Zoulou aussi, pas mal, donc on vous laisse découvrir. Mais si aussi, t'as quelque chose à rajouter, Camille ? Eh ben non, à part bon là du coup on a choisi des extraits qui sont assez courts parce que de manière générale leur musique font 20 minutes en moyenne. Donc là comme on est un peu pressé par le temps, on a choisi des musiques qui étaient un peu raccourcies, mais voilà, c'est quand même un bel exemple de ce qu'ils peuvent transmettre à travers leur musique, quoi. Oui, bah moi en fait qui les ai vus en concert, c'est une performance incroyable parce que la plupart des musiques durent 20 minutes et ils ont un peps de folie et puis c'est juste à découvrir en live. Bon, on vous fait écouter Yende de BCUC. There was music with drums and everything. And then these cats came through. They called themselves BCUC. They came with a brand new style and a brand new swag from the woods, y'all. Attack, attack, attack, attack, attack, attack. biko sobukwe Note tuuru after wuti niko tuge Mali gabi madara makoko biko sobukwe Note tuuru after wuti niko tuge Mali gabi madara makoko biko sobukwe Note tuuru after wuti niko tuge Mali gabi madara makoko biko sobukwe Note tuuru after wuti niko tuge Waouh, quelle puissance de BCUC sur les ondes de Radio Komodo. Ouais, ça donne la patate. Bon, on espère les voir quand même un jour au monde de l'utopie. Ah, ah bah, ça serait plus qu'un grand plaisir. Hein. Pour un petit groupe actuel comme ça, ouais. On s'en priverait pas. Allez, on espère les voir en 2020 ou en 2021 au monde de l'utopie. On va écouter tout de suite un autre extrait de BCUC qui s'appelle The Journey. Et voilà. I'm not our voices to avoid the voices of the government. The blues need passage to the payment of the matter of payment. Et voilà, c'était BCUC avec le morceau The Journey, un live in Soweto en Afrique du Sud. Donc, et ben voilà, c'est comme ça que s'achève notre émission autour des trans du monde pour aujourd'hui, les trans d'Afrique. Merci les filles pour vos recherches. Bah avec plaisir. Hein. De toute façon, donc comme c'est une nouvelle chronique, à chaque émission, quand on aura un peu de temps, parce qu'il y a des émissions où effectivement on va être axé sur les événements de l'asso, mais du coup, voilà, ça sera un petit peu le fil conducteur des prochaines émissions. Donc j'espère qu'on va pouvoir vous faire découvrir des musiques d'ici d'ailleurs, voilà, des petites perles musicales comme ça, vous faire un peu plaisir par rapport à ça. Et puis sinon, voilà quoi, hein, j'espère que BCUC vous a mis la patate pour bien continuer votre journée. Et puis voilà. Et vous a donné envie de découvrir ces musiques contemporaines africaines qui s'influencent de tout style. De tout style, et puis qui influencent ouais, pas rock, mal de la trance aussi. Oui. Funk, hip-hop, trip-hop. Oui, tu m'as parlé d'une petite perle du Bénin, là. Merci Camille. Donc, je voulais rajouter que là, tout à l'heure, nous mettrons sur la page des Monts de l'Utopie, donc déjà l'ancienne émission sur le Maloya, cette musique trans qui nous vient de La Réunion et qui est reconnue, je le répète, depuis 2009 au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Il a fallu du temps, mais ça y est. Ouais. Et donc, après avoir été interdite pendant de nombreuses années, voilà, de peur que La Réunion devienne indépendante. Exactement, comme la musique vaudou, en fait, elles ont été secrètes et clandestines pendant des dizaines d'années. Et à ce que j'ai lu hier, le Maloya a été officiellement accepté en 70, je crois. C'est très tard. En 1970, avant, c'était interdit officiellement de chanter le Maloya. Et de pratiquer tout instrument en rapport avec le Maloya. Ce qui a fait naître aussi de belles pépites qui se sont cachées pendant des années, ou alors d'autres qui sont aujourd'hui sur les grandes scènes, style Daniel Waro. Mmh. Par contre, ce qui a fait éteindre d'autres personnes, comme Alain Peters, qui est mort dans la rue. Donc ben voilà, Toutes ces informations seront sur notre page des Mondes l'Utopie. Et moi, personnellement, je vous mettrai aussi des groupes contemporains, donc de Gnawa. Donc, c'est un groupe de fusion jazz-blues Gnawa. Je vous en dis pas plus, vous le découvrirez. Et je vous mettrai aussi deux petites pépites pour la musique vaudou. Une belle fusion de vaudou, gospel, rock, funk, trip-hop, hip-hop du Bénin. Ça déchire, ça, ça envoie du fat, c'est comme You See... BC, oh là là, j'y arriverai jamais. Merci Nanou. Et je vous mettrai aussi un autre groupe de musique vaudou, donc cette fois-ci d'Haïti. Voilà, Tchouk Boali Beyté. Bon, ben super, on va finir cette émission tout tranquillement. En tout cas, on vous donne rendez-vous le 11 avril prochain, de 10h à 11h30. Cette fois, pour une émission complètement dédiée à l'événement du... Ah, c'est un peu en avance. On va louper un petit tour avant de faire l'émission spéciale Cultivant nos passions. On va reparler des trans du monde. Alors, de nouveau, une chronique des trans du monde le mois prochain. Et voilà, on est en avance. Hein, c'est assez rare qu'on soit en avance, mais voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui. On vous dit merci à tous de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne journée et on vous laisse en compagnie le reste des émissions de Radio Gémozo. D'ailleurs, on est content de toujours être sur les ondes de Radio Gémozo. Merci les filles pour votre présence et puis au mois prochain. Une belle journée à tous. Merci à tous. Ciao.